dans mes, je fais le tri dans mes souvenirs. C'est pas les gens qui changent, mais le regard des gens. Je peux le lire à chacun de vos sourires. Fais pas comme si tout était comme avant. Je peux voir dans tes yeux de la jalousie. Si j'ai jamais été dans le sens du vent, c'est que je préfère me forger mon propre avis. Moi j'ai jamais écouté les médisants, car je suis le seul capitaine de mon navire. Même quand je suis déçu, je reprends le dessus. J'ai pas le choix, je me dois de les rendre fiers. Même quand je suis à bout, ouais je reste debout. Malgré les défaites, moi je me relève. Même quand je suis déçu, je reprends le dessus. J'ai pas le choix, je me dois de les rendre fiers. Même quand je suis à bout, je reste debout. Quand toi tu t'arrêtes, moi je persévère. Je dois rien à personne et encore moins à toi. Tout ce que j'ai de mes mains, je l'ai bâti. Alhamdoulilah, grâce à Dieu je marche droite. Qui m'éloigne des rageux et des hypocrites. Trahi par ceux à qui j'ai ouvert mon cœur. Mes joies, mes peines, ouais je leur ai tout confié. Aujourd'hui mon ennemi, hier t'étais mon frère. Et toi ma sœur, t'as fini par me poignarder. L'argent pourrit les gens, ça date pas d'hier. La part du gain étouffe les pensées. Je suis partie de rien, donc rien ne me fait peur. Si tout s'arrête, moi au moins je l'aurais fait. Même quand je suis déçue, je reprends le dessus. J'ai pas le choix, je me dois de les rendre fiers. Même quand je suis à bout, ouais je reste debout. Malgré les défaites, moi je me relève. Même quand je suis déçue, je reprends le dessus. J'ai pas le choix, je me dois de les rendre fiers. Même quand je suis à bout, ouais je reste debout. Quand toi tu t'arrêtes, moi je persévère. Que j'aime, ceux qui croient en moi et qui sont restés les mêmes. Et malgré les dilemmes, le sang coule dans mes veines. Il ravive ma vie quand je suis en bas de l'échelle. Et si je chante encore, c'est pour ceux que j'aime. Ceux qui croient en moi et qui sont restés les mêmes. Et malgré les dilemmes, le sang coule dans mes veines. Il ravive ma vie quand je suis en bas de l'échelle.